Chapitre 9. Les raisons de combattre. Ginny et Hermione ne purent s'empêcher de prendre Neville dans leurs bras quand ils arrivèrent à la maison. Neville ne se défendit pas, content d'être l'objet de tant d'attention. Stephen alla déposer son matériel dans un coin. Il retira les chargeurs de ses armes, ainsi que la cartouche restée en chambre. Il dévissa les silencieux. Par des gestes précis et sûrs, il démonta les armes pour nettoyer les chambres et vérifier qu'elles étaient toujours en état de fonctionner. Ron ne put s'empêcher de l'observer attentivement. 5 minutes plus tard, les armes étaient remontées. « Impressionnant, ces armes moldues, » dit Ron. « Plus efficaces que nos baguettes pour tuer. »« Mais vos baguettes n'ont pas besoin d'être rechargées ni entretenues, » dit Stephen. « Et vous avez à votre disposition... » un choix conséquent de... sortilèges, enchantements et maléfices. Oui. Mais il nous faut incanter la plupart du temps. Enfin, vous avez réussi à sauver Neville. Nous vous en sommes reconnaissants. De rien. Peut-être pourrions-nous nous tutoyer ? Demanda Ron. Avec plaisir, sourit Stephen. Combien as-tu tué de mange-morts ce soir ? J'en ai compté 8 pour moi, 1 pour Neville. Mais avec ma grenade, peut-être un de plus. Et je pense en avoir blessé un en tirant au jugé durant la fuite. Donc 9 sûr. Voldemort va savoir que nous sommes encore là et penser que nous avons durci le combat. Nous n'avons pas mené d'action d'éclat depuis longtemps. Nous attendions une occasion qui ne viendrait peut-être jamais. D'une certaine manière, ton arrivée va nous sortir de notre torpeur. Je suis d'accord, intervint Neville. Ton arrivée a été providentielle. Tu permets que je te tutoie, moi aussi ? « Bien sûr, fit Stephen. Mais je ne compte pas rester. Dès que ta femme aura trouvé le moyen de me renvoyer là où je dois être, il faudra que je parte. »« Nous en sommes conscients, » assura Ron. « Nous ne te demanderons rien de plus. Après tout, ce n'est pas ta guerre. Tu as déjà fait beaucoup pour nous. »« Stephen ?» fit une voix derrière lui. Stephen se retourna et s'arrêta sur les yeux noisettes de Ginny. La rouquine lui souriait timidement. « Merci d'avoir sauvé Neville, » dit-elle simplement. « J'avais une dette envers lui, » répondit Stephen, « comme envers vous tous. » Stephen bâilla largement. « Je vais dormir, » annonça-t-il. « À demain. » Ginny le suivit des yeux. Ron invita Neville à se restaurer. Hermione s'approcha de sa belle-sœur. « C'est vraiment quelqu'un de bien, » dit-elle. « Oui, » acquiesça Larousse. Tu as de la chance d'être tombé sur lui à Poudlard. Je n'aurais pas pu m'enfuir sans ce hasard. Mais je commence même à me demander si c'est vraiment un hasard. Je sais que tu ne crois pas au destin, mais je ne trouve pas d'autres explications. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu ressens n'est pas dû à une force extérieure. Ce que je ressens ? Que veux-tu dire ? Il te plaît, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je crois, oui. Mais Harry... Harry n'est plus là, coupa Hermione. Tu dois penser à toi de nouveau. Je sais que tu aimais Harry et que tu garderas le souvenir de ce sentiment toute ta vie. Mais tu ne dois pas t'interdire d'autres sentiments pour autant. Tu as raison, comme d'habitude. Mais Stephen ne ressent peut-être rien pour moi. Pour ça, je ne peux vraiment pas t'aider. Le lendemain matin... Stephen se leva tôt, malgré la courte nuit. Vieille habitude de soldat. Personne d'autre n'était levé. Stephen sortit profiter de la fraîcheur matinale. Il fit quelques mouvements d'échauffement et fit du renforcement musculaire. Quelques séries de pompes, d'abdominaux, et même des tractions en se suspendant à la branche d'un arbre. Ensuite, il fit du shadow en se battant à main nue contre un adversaire inexistant. Il ne remarqua même pas la présence de Ginny qui l'observait. Quand il eut terminé, il se tourna vers la maison pour rentrer. Il lui sourit. Ginny lui répondit pareillement. « Impressionnant, » dit-elle. « Juste quelques petits enchaînements pour réveiller le corps de bon matin, » fit-il. « Ça me détend. Après la soirée d'hier, j'en avais besoin. »« Je pensais que vous étiez habitué à ce genre de choses. » »« On ne s'habitue jamais vraiment à risquer sa vie et à tuer. Disons juste qu'on s'habitue à la sensation. » Mais elle ne nous quitte jamais vraiment. Cette sensation, c'est la peur ? Oui et non. C'est un mélange de peur et d'excitation. Cela peut sembler malsain, mais au bout d'un moment, on a l'impression de ne plus pouvoir se passer de ce cocktail. Et on se surprend à attendre, comme un gosse, la prochaine fois qu'on ira au combat. Je sais que pour nous c'est différent. Nous ne souhaitons que vivre en paix. Nous espérons tous qu'il n'y aura pas d'autre guerre après celle-ci. Je l'espère pour vous. Vous avez de la chance. Vous vous battez pour une cause que vous avez choisie, pour les vôtres. Et pas vous ? Je me bats pour les causes des dirigeants de mon pays. À chaque fois, je me dis que c'est pour protéger mon pays et son peuple, mais même pour ça, je ressens de plus en plus de lassitude à me battre. Il va être temps pour moi de raccrocher. Cela fait longtemps que vous vous battez ? Trop longtemps. Un silence s'installa. Ginny ne savait plus quoi dire. Elle se contenta de lui proposer de prendre un petit déjeuner. Steven accepta, mais commença par faire un détour par la salle de bain pour se débarrasser de la sueur. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il trouva Ginny seule. Elle agitait sa baguette par des mouvements rapides et précis. Du café jaillit pour venir remplir une tasse qui, elle-même, vint se poser sur la table. Des tartines grillées se couvrirent de beurre sans aide et se placèrent juste à côté de la tasse. « Voulez-vous du jus de citrouille ?» questionna Ginny. « Avec plaisir, » acquiesça Steven. Un verre plein vint immédiatement rejoindre la tablée. « Impressionnant, » dit-il. « C'était ma mère, l'experte ménagère à la maison. Elle pouvait faire n'importe quoi comme tâche avec sa baguette. Elle faisait souvent tout en même temps. Obligée, avec 7 enfants et un mari. »« 7 ?»« Oui. Mais à part Ron et moi, et un autre que je ne citerai pas, ils sont tous morts. » Un que vous ne voulez pas citer ? Mon frère, Percy, il est passé à l'ennemi. Pourtant, on a cru qu'il était des nôtres quand il est revenu participer à la bataille de Poudlard. Mais quand la mort d'Harry a été annoncée, il a aussitôt retourné sa veste. Je ne le connais pas, mais peut-être voulait-il seulement protéger sa famille en faisant ça. Je ne sais pas, mais il n'a rien fait quand ils ont capturé George et qu'ils l'ont exécuté pour l'exemple. Et avant l'exécution, il n'a rien fait pour dissuader Charlie de risquer sa vie en tentant de le libérer. Charlie y a perdu la vie. Et il n'a pas prévenu Bill et sa femme Fleur que les Mangemorts allaient venir chez eux pour les tuer. Fleur était enceinte. Et nos parents, traqués comme des animaux jusqu'à être capturés et exécutés comme George. Et je me demande même s'il n'a vraiment rien pu faire durant la bataille pour éviter la mort de Fred. La voix de Ginny trahissait son énervement et sa tristesse. Elle pleurait. Steven se leva et vint la prendre dans ses bras pour la soutenir. La jeune fille se laissa aller contre l'épaule de l'Américain. Ils restèrent ainsi durant un long moment. Mais Hermione entra et ils se séparèrent avant d'être vus ainsi. Ginny avait le cœur qui battait la chamade. Le reste de la journée fut tranquille. Ginny essayait de ne pas rester trop longtemps en présence du soldat, car elle sentait une chaleur s'emparer de ses entrailles à chaque fois que leurs yeux se croisaient. Le soir, Neville repartit. Il allait rejoindre d'autres résistants cachés en Irlande. Il embrassa ses amis avant de partir. Lorsqu'il arriva à Steven, il lui dit « Merci encore une fois pour tout. » « C'est normal, » répondit simplement Steven. « Et bien sûr, Ginny. Je ferai ce que je peux. Je ne parle pas vis-à-vis des Mangemorts. » Laissant Steven dans l'expectative, Neville repartit. Ce soir-là, Hermione et Ron devaient se rendre chez des amis moldus en ville. Si, au début de la Résistance, ce genre d'action avait pour but de les cacher en les faisant passer pour des gens comme les autres, ils avaient fini par se lier réellement d'amitié avec les habitants. Ils laissèrent donc Ginny et Steven seuls. Ils partagèrent un dîner simple mais chaleureux. Ensuite, ils s'installèrent devant la télévision. La maison devait au maximum passer pour une habitation moldue. Ginny ne connaissait pas vraiment ce genre de soirée. Elle était fascinée par cette fenêtre où des gens s'animaient. Le film racontait l'histoire d'une guerre, mais une guerre dans l'espace. Les armes utilisées ressemblaient à celles de Steven, mais elles tiraient des rayons de lumière, et parfois, les protagonistes parlaient d'un pouvoir étrange appelé la Force. Était-ce une forme de sorcellerie ? Sans qu'elle ne puisse rien y faire, des larmes coulèrent sur les joues de Ginny au moment où un des personnages devait se faire congeler. Les adieux avec la femme qu'il aimait avaient été courts, mais émouvants. Lorsque le film se termina, Ginny remarqua qu'elle avait pris la main de Steven sans s'en rendre compte. Elle regarda leurs doigts entremêlés durant quelques instants et la retira. Pardon, fit-elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est rien, dit-il. Ça m'a fait du bien. Votre main était chaude. Un silence gêné s'installa quelques secondes. Ce film était bien, dit Ginny. C'était une guerre, mais il y avait autre chose. Et puis, ils avaient une bonne raison de se battre, comme nous. Il y a toujours de bonnes raisons de se battre. Tout dépend juste de notre point de vue. Vous avez une bonne raison de vous battre, mais selon vos ennemis, elle ne l'est pas, et ce sont leurs raisons qui priment. Vous disiez que vos raisons de vous battre étaient celles de vos dirigeants ? C'est ce qu'on appelle le patriotisme, une notion qui a été trop de fois détournée. Mon combat est peut-être injustifié. À vrai dire, je ne sais plus pourquoi combattre dans mon monde. Alors qu'ici, je me suis trouvé des raisons personnelles, et bien plus justifiées pour combattre. La liberté, mais surtout vous tous, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti de l'amitié. Et puis, il y a vous, Ginny. Moi ? Steven lui reprit la main, caressant son dos de ses doigts. « Je veux que vous viviez dans un monde en paix, » dit-il. « Je ne pourrai sûrement pas aider à le construire, mais je peux aider à abattre celui en guerre. » Les pensées se bousculaient dans la tête de Ginny. Elle se souvenait d'Harry, mais également des paroles d'Hermione. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre à l'autre bout de l'Écosse. Elle se rapprocha de Steven et vint se blottir dans ses bras. Elle murmura un « Merci ». Puis, sans attendre, elle s'approcha de son visage et l'embrassa. Ce soir-là, ils se couchèrent dans le même lit mais ne dormirent pas beaucoup. Ils ne cessèrent de s'embrasser que vaincus par la fatigue.